Analyse du 29 mai 2023, Thierry Pirlo, Sherpa One. The Great Awakening pour un sommeil profond. Quand les normies comprendront que le rêve américain n'est seulement qu'un rêve d'endormi, ils comprendront également toute l'étendue du cauchemar américain qui, lui, est bien réel au regard de ses 247 années d'histoire. Trump en fait partie et il le sait. Il a permis la prise de conscience de la partie encore réveillable des ricains grâce à ses 4 années de présidence et ses 2 années en backstage, ce qui servira à faire renaître cette Amérique de ses cendres, tel le phénix. Mais ils prendront cher avant d'accéder à cette délivrance, et Trump le sait bien. Et nous, pauvres Européens, tributaires de l'éveil de ces 300 millions d'Américains et plus, sommes encore loin d'avoir tout compris. Surtout quand cela échappe à la grande majorité des habitants de nos campagnes qui affirment ne pas se sentir concernés par la situation américaine. Car il faut bien avoir conscience d'une chose, si les USA tombent, nous tombons avec. And what else? Comme déjà dit des milliers de fois, tout est fait pour réveiller les gens par des frayeurs qui vont aller crescendo. En 2017, les gilets jaunes sont sortis dans la rue pour une simple hausse à la pompe. En 2020, on a assassiné nos vieux au Rivotril. En 2021, les normies ont accepté l'injection pour sauver leurs vacances. Et en 2022, ils ont injecté leur progéniture, la rendant probablement stérile à jamais. Maintenant, en 2023, on s'attaque à nos enfants dans les écoles avec la propagande nauséabonde des LGBTQ+. On baisse encore notre pouvoir d'achat, nos retraites, on s'en prend à la propriété privée, et quoi d'autre encore ? Toujours rien, pas un sursaut de la population. Faut-il raser les comptes, supprimer la monnaie, obliger les hommes à se les couper pour transgresser ou transformer leur peur? Le problème est que réveiller autant d'abrutis français, belges ou européens demandera un sacré coup de main. Et heureusement pour nous, il est déjà en cours. Nathalie m'écrit ceci. Ok, d'accord, mais leur stratégie ne fonctionne que pour une minorité. Moi, sincèrement, je pense, et je parle d'expérience, du vécu, au quotidien, en famille, avec des connaissances, des amis, une grosse masse ne capte pas, ne se réveille pas, ne veut pas, pour plein de raisons, et il va falloir ou leur prendre leurs biens, ou mettre leurs enfants dans des camps de concentration, et encore, je ne sais pas si ça va marcher pour certains. Une partie est complètement lobotomisée, et l'autre est prête à tout pour rester dans son petit confort d'avant. Donc, à un moment, il va falloir lâcher l'affaire, sinon on est parti pour 1000 ans à essayer de récupérer tout le monde. Ma réponse à Nathalie. Tu as raison, Nat, mais l'Alliance ne travaille pas seulement au réveil de nos familles, mais à celui de la planète entière. Et ce réveil est comme une épidémie qui ne s'étend pas partout à la même vitesse. Le réveil est en marche, même si on ne le sent pas dans notre sphère directe, qui est, à vrai dire, insignifiante au regard des 7 milliards d'humains, dont 6,5 milliards dans un état comateux. Les sondages donnaient 95% de démocrates qui auraient préféré voter pour Mickey Mouse en 2020 plutôt que pour Trump. À cette heure, ce sont plus de 60% de démocrates qui voteraient pour Trump demain. En 2020, les mainstreams étaient suivis par 90% de la population et on pense qu'à cette heure, c'est 50% tout au plus. Le réveil doit d'abord se faire chez eux pour ensuite être efficace chez nous. Le grand réveil ne tourne pas uniquement autour des injections. Les personnes injectées qui ont fait ce choix en toute conscience ou inconscience, à un moment T, auront du mal, la plupart par orgueil, à remettre en question cette décision, mais elles participeront à leur manière en s'éveillant sur d'autres sujets. Mais la pierre angulaire de ce grand réveil reste nos enfants et de la manière dont nous les traitons, ainsi que l'avenir que nous leur réservons. Car il est plus urgent aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur les 20 millions d'enfants qui disparaissent de notre planète chaque année, et ce, dans l'indifférence la plus totale. Ni plus, ni moins. De nos choix dépendra leur futur. À côté de ça, la santé des injectés, les vacances, les comptes en banque, le krach économique, le risque d'une guerre thermonucléaire, le climat et la guerre en Ukraine ne sont que les outils de notre réveil. Pour le moment, nous assistons à un réveil lent. Mais je peux t'assurer que l'Alliance a de quoi stresser le mouton, et ce, très très rapidement. Nous devrons fatalement y adhérer et le subir, car en termes militaires, c'est un PPO, point de passage obligé. Ça ne sera pas un réveil au son de la 5e symphonie de Beethoven, mais plutôt une électrocution générale instantanée par un blocage complet de la société. J'ai encore espoir pour un déclenchement de l'EBS. Mais sera-t-il suffisant, étant donné que les normies penseront immanquablement à une cyberattaque russe et non à un plan de sauvetage de l'humanité? I don't know. Le plan est ce qu'il est, implacable, incontrôlable, inexorable, à la fois militaire et divin. Sherpa One.